L'hypocrisie en arabe, an-nifaq, signifie exposer le contraire de ce que l'on cache. L'hypocrisie faisant sortir de l'islam est faire semblant d'être musulman dans l'apparence tout en étant mécréant ou idolâtre dans son cœur. L'hypocrisie est la pire des mécréances et l'hypocrite est le pire des mécréants. C'est pour ça qu'Allah les a placés dans le plus bas fond du brasier de l'enfer, dans les caves de la fournaise. Allah dit dans la sourate 4, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et il ne leur trouvera jamais de secoureurs. Sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants, et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. L'hypocrisie est de deux niveaux, majeur et mineur. La différence entre les deux est que l'hypocrisie majeure expulse de la religion. Et celui qui en est coupable est mécréant et sera éternellement au plus bas fond de l'enfer. Alors que l'hypocrisie mineure n'expulse pas de la religion. Et celui qui meurt avec l'hypocrisie mineure est abandonné à la volonté d'Allah. S'il veut, il lui pardonne. S'il veut le punir, il le punira. Puis après, il fera entrer au paradis avec ses frères les croyants. Certains divisent l'hypocrisie en deux catégories. L'hypocrisie de l'acte et l'hypocrisie du cœur. Mais ce découpage est ambigu et fait croire qu'on ne peut reconnaître un hypocrite tant qu'on ne connaît pas son cœur, chose que seul Allah peut connaître. Et ceci n'est pas juste car il y a certains actes qui sont de l'hypocrisie majeure et dont l'auteur est considéré comme un hypocrite majeur. Ibn Taymiyyah a dit « Et des fois, leur hypocrisie peut être connue à travers une parole qu'un homme croyant les entend prononcer et le rapporte alors au prophète. Ils jurent alors qu'ils n'ont jamais dit ça. Ou alors, des fois, ils ne jurent pas. Et des fois, cela apparaît lorsqu'ils retardent la prière, ou le djihad, ou lorsque la zakat est pénible pour eux, ou lorsqu'ils manifestent de la répulsion envers beaucoup de lois d'Allah. Et la plupart d'entre eux sont repérables à travers les gaffes qu'ils font en parlant, comme le dit Allah. Ou bien, est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine? Or, si nous voulions, nous te les montrerions, tu les reconnaîtras certes à leurs traits, et tu les reconnaîtras très certainement au ton de leur parler. Et Allah connaît bien vos actions. Allah a donc annoncé que s'il le veut, le messager d'Allah pourrait les reconnaître aux traits de leur visage. Puis il dit, et tu les reconnaîtras très certainement au ton de leur parler. Il assurera ici le prophète devra forcément les reconnaître à travers les gaffes qu'il laisse sortir en parlant. Il y en avait qui disaient des paroles ou commettaient des actes pour lesquels des versets du Coran étaient révélés, afin d'informer que celui qui est l'auteur de cette parole ou de cet acte est l'un des leurs, comme on trouve dans la sourate Al-Bara. Il y a parmi eux qui, et les musulmans reconnaissent aussi beaucoup d'entre eux à travers les signes et les indices qui les trahissaient, mais il y en a certains que personne ne connaissait si ce n'est Allah, comme le dit Allah, et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites. Tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Et tous ces hypocrites manifestent l'islam et jurent qu'ils sont musulmans, et se servent de ce serment comme bouclier. Parmi les signes d'hypocrisie majeure, semer la décadence entre les musulmans, afin de provoquer entre eux la guerre, tout en se montrant musulmans. Ceci est un acte d'hypocrisie majeure, comme le fit Ubayd ibn Saloul lors de l'expédition des Bani Mustalaq, lorsqu'il chercha à provoquer la guerre entre les émigrés et les Ansar, qui faillirent se combattre. Abandonner la prière en secret et faire la prière lorsqu'il y a des gens. Commettre de l'idolâtrie en cachette et l'abandonner devant les gens. Semer le doute dans la religion. Financer de quoi empêcher la victoire de l'islam. Imposer aux gens des choses qui empêchent ou diminuent la propagation de la religion, comme par exemple en imposant des restrictions aux prêcheurs, ainsi qu'à ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Tuer les prêcheurs et les savants. Ceci est un acte d'hypocrisie majeur, car les prêcheurs et les savants sont ceux qui secourent la religion. Allah a dit dans la sourate, ceux qui ne croient pas au signe d'Allah tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui commandent la justice. Annonce-leur un châtiment douloureux. Ce sont eux dont les œuvres sont devenues vaines, ici-bas, comme dans l'au-delà, et pour eux pas de secoureurs. S'efforcer de diviser les musulmans et les répartir en sectes et groupes adversaires, comme le font certains gouvernements. Le statut de l'hypocrite sur terre. Son statut est partagé. Il obtient certains statuts propres aux musulmans et d'autres propres aux mécréants, à cause qu'il est indécis entre les deux groupes. Il ne va ni chez les uns, ni chez les autres. C'est pourquoi ils obtiennent les statuts des uns dans des choses et des autres dans d'autres. Ibn Taymiyyah a dit, certes, les hypocrites qui dirent « Nous avons foi en Allah et au jour dernier » alors qu'ils n'ont pas la foi, sont en l'apparence des croyants qui prient avec les gens, qui jeûnent et font le pèlerinage, et partent au combat avec les musulmans, se marient avec eux, héritent d'eux, comme c'était le cas avec les hypocrites à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam. Certes, les hypocrites dirent « Nous avons foi en Allah et au jour dernier » alors qu'ils n'ont pas la foi, sont en apparence des croyants qui prient avec les gens, qui jeûnent et font le pèlerinage, et partent au combat avec les musulmans, se marient avec eux, héritent d'eux, comme c'était le cas avec les hypocrites à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a pas appliqué sur les hypocrites le statut des mécréants, qui manifestent la mécréance, que cela soit concernant le mariage ou l'héritage, etc. Au contraire, lorsque Abdullah ibn Ubayd ibn Salul, qui était l'homme le plus connu pour son hypocrisie, décéda, son fils Abdullah hérita de lui alors que ce dernier comptait parmi les meilleurs des croyants. Il en fut de même pour ceux d'entre eux qui sont morts. Les croyants héritaient d'eux et ils héritaient des musulmans. Les statuts des musulmans. Dans l'héritage, il a le statut du musulman lorsqu'un hypocrite meurt. Ses héritiers musulmans héritent de lui. Et la preuve de ça, c'est que lorsqu'Abdullah ibn Ubayd ibn Salul mourut, ses héritiers musulmans héritaient de lui. Et il y a unanimité sur ce point. Ibn Taymiyyah a dit, il fut confirmé que les gens étaient de trois catégories. Le croyant, le mécréant qui montre sa mécréance, et l'hypocrite qui montre l'islam et cache la mécréance. Il y avait parmi les hypocrites certains que les gens connaissaient à travers des signes et des indices prouvant leur hypocrisie, et certains même pour lesquels ils ne faisaient aucun doute de leur hypocrisie vu que le Coran fut révélé pour la déclarer, comme pour Ibn Ubayd et ses semblables. Mais malgré ça, lorsque ceux-là sont morts, leurs héritiers musulmans ont hérité, et de même lorsqu'un musulman de leur famille mourait, ils héritaient de lui. Dans le mariage, sa femme reste sa femme et se comporte comme s'il était musulman. Par exemple, si le mari d'une femme est un hypocrite, l'acte de mariage reste valide, car les femmes d'Abdullah ibn Ubayd ibn Salul restèrent ses femmes et sous sa tutelle. La généalogie, les enfants de l'hypocrite sont attribués au père. Le pénal, les peines et sanctions sont appliquées à l'hypocrite comme aux musulmans. Le discours divin, il s'adresse aux hypocrites et les concerne, comme lorsqu'Allah dit « Ô croyants, il vous a été prescrit de jeûner ». Ceci concerne aussi les hypocrites. Ils sont obligés de s'acquitter des obligations des musulmans et de s'écarter des interdictions. Lorsqu'ils meurent, on le lave et l'enveloppe dans un linceul et l'enterre dans les cimetières musulmans. Mais on ne demande pas pardon pour lui, ni ne prie pour lui. Les statuts des mécréants. Lorsque l'hypocrite meurt, on ne fait pas la prière sur lui. Si l'on connaissait son hypocrisie et on ne demande pas pardon pour lui, Allah a interdit au prophète de prier pour les hypocrites. Et ne prie jamais pour l'un d'entre eux qui meurt. On ne les soutient pas dans le sens qu'on ne l'honore pas, ni ne l'estime. On ne l'aime pas, on ne le fréquente pas. Car Allah a interdit de soutenir les hypocrites et de s'allier à eux dans la sourate 4. Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ce qu'Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu ne le trouveras pas de chemin pour le ramener. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Par contre, lorsqu'un juge donne un verdict, ou que les savants émettent un décret d'apostasie à l'encontre d'un hypocrite, lorsque ce dernier expose clairement son hypocrisie, ou bien que son hypocrisie se manifeste au point que cela se répande entre les gens, Allah dit dans la sourate 33, verset 60, « Certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, et les alarmistes, se meurent de troubles, à Médine ne cessent pas, nous t'inciterons contre eux, et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. » Ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Mais lorsqu'un musulman surprend un hypocrite, comme par exemple si un musulman surprend son père ou son épouse ou son époux, ou son dirigeant ou autre, commettre de l'hypocrisie en secret, sans que cela ne soit public, et sans que cela ne soit légalement confirmé par un nombre de témoins, etc. Alors là, on se comporte avec l'hypocrite comme avec le musulman. Al-Qurtubi dit, le Qadi Ismail a dit, personne ne témoigna contre Ibn Salul, à part Zayd ibn Arqam, ni personne contre Al-Jalas ibn Suwayd, à part Umayr ibn Sa'd. Et s'il y avait eu pour l'un d'entre eux deux témoins de sa mécréance et de son hypocrisie, il aurait été exécuté. Lorsqu'un musulman découvre que quelqu'un est hypocrite, il n'est pas tenu d'en informer les autres. Car Hudhayfa, radiallahu anhu, connaissait certains hypocrites en précisément, mais n'en informa personne. Point à retenir. L'hypocrisie n'est pas la même chose que l'apostasie. Et l'hypocrisie n'implique pas forcément l'apostasie. L'hypocrisie majeure peut être causée par un acte ou une parole qui font de son auteur un hypocrite et non un apostat. L'hypocrite, sur terre, a un statut particulier entre celui des musulmans et des mécréants. Mais dans l'au-delà, il est le pire des mécréants et au plus bas fond de l'enfer pour l'éternité. L'hypocrite est celui qui commet de la mécréance majeure en secret et qui le cache en public. Les hommes peuvent reconnaître un hypocrite de par ses traits et ses paroles. Lorsque l'hypocrisie de l'hypocrite se répand au point qu'il se fait connaître pour cela, il devient un apostat. Lorsqu'un musulman découvre d'une personne qu'elle est hypocrite, il n'est pas tenu d'en informer les autres. Lorsqu'un musulman ou une musulmane découvre que son conjoint est un hypocrite, cela n'implique pas de divorce et le mariage reste valide. Il n'est pas permis de soutenir un hypocrite ni de l'estimer ou de l'honorer.